Salut tout le monde, c'est le Big Ben. Antithèse. Juste un gamer. Alpha. Tanuka. Arcade. Wow. C'est super Avec wow. Une petite stepette. Oui, je fais pataille. Pour le podcast des accros, bienvenue à l'édition du 28 janvier 2014. Cette semaine, on va parler du G-Anime 2014, mais avant tout, je vais demander à ma gang comment ils vont. Bien. Fatigué, mais bien. Oui, le bon genre de fatigué, on a quand même passé une très belle fin de semaine. Exténuant, c'est sûr, mais on aime ça comme ça. Oui, j'ai mieux dormi que sur le lit militaire de notre chambre d'hôtel. Oui. Comment ça? Tu peux nous expliquer ça? Ben oui, j'ai dormi, j'allais dire avec PL, mais pas, pardon, avec Antithèse. J'ai dormi dans sa chambre. Et non, mais pas avec lui, j'ai dormi sur un petit sofa-lit, on dirait format enfant, sur le côté. Et quand tu le défaisais, il y avait un beau petit drap avec un genre de spring format militaire. C'était comme un drap sur deux morceaux de tuyaux de métal. Puis c'était super confortable. Yeah. J'ai de lag chance. Antithèse. Hey là là là là. Et Antithèse, est-ce que Arcade Retro, on veut tous savoir. Oui. Comment qu'il est quand il dort dans une chambre d'hôtel avec toi? Il est professionnel. Ah, il est professionnel! Ah, wow, il fait bien la job. Je vole rien. Il a bien fait la job professionnel. Je pars pas avec la robe de chambre, je pars pas avec les petits savons. Non, c'est ça. T'as laissé ça à la job à la fiancée de Antithèse, c'est bien ça? Bonjour! Hey! Bonjour! Alors, nous avons également un invité ce soir avec nous. Nous avons The Big Boss, Luc Biron lui-même en personne. Ouais! Qui je viens de bouffer une poutine avec le joueur du grenier et Sébastien. Comment tu dis? Moi, j'ai pas compris. Je reviens de bouffer une poutine avec le joueur du grenier et Sébastien. Ah oui, à quel endroit vous l'avez bouffé la poutine? Poutine routeur, une belle poutine, là, qui est un magasin de poutine qui est ouvert à Ottawa. Puis as-tu aimé ça? Il s'est retenu pour pas tomber dedans. Ah oui, à ce point-là? Ben, c'est parce qu'il est un peu extrême, le gars, de ce que je comprends. Ok, puis Seb, lui? Ben ça, c'est sa deuxième poutine. Fait qu'il en a pris au bord, il filochait en plus. Oh mon dieu. Ouais, c'est comme si c'était pas assez, là. Ils veulent conserver un bon goût du Québec. Oh oui, non. Ça veut dire acheter des Froot Loops, là, pis des érables. Hey, riez pas, des Froot Loops, c'est illégal en France, c'est cancérigène à cause du colorant. Ah oui, c'était vrai, j'avais déjà entendu cette histoire-là. Ben voyons donc. Et oui. Moi, j'en mange pas souvent. Donc, poutine, sirop d'érable, Froot Loops, puis en tout cas, la grosse bouffe qu'ils ont juste prévu à la région. Ok. Puis, Biron, écoute, on va pouvoir prendre des nouvelles, premièrement. Comment tu vas, toi? Très bien. Très bien. J'ai poigné un rhume, mais qu'est-ce que je dis? Écoute, Luc, c'est à croire parce que veux pas, t'as couru partout durant la fin de semaine. Il n'y a rien de nouveau. Hein? Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Rien de nouveau, mais quand même, c'était quand même drôle de pouvoir t'attraper au vent et de demander un petit peu de tes nouvelles. Écoute, on peut-tu avoir quelques chiffres par rapport à cette année? Comment ça s'est passé, le G-Anime? Presque 2200 personnes. 2200 personnes? 2200, nice. Wow! C'est bon, ça. C'est très bien. Bon. Mm-hmm. Et l'an passé, c'était quoi pour le fun? 1848. Nice. Oh, c'est pour ça, mes relations. Mes relations médias viennent d'arriver aussi. Ah ben, Gadon? Ah ben. Et oui, on a demandé à Philly également de se rajouter avec nous pour ce soir, vu que j'avais de la misère à te contacter, fait que ça va être le fun. On a deux pour le prix d'un. Oui, oui. Non, ça a été une très bonne nouvelle pour ça. L'eau, j'ai vu le roi de Vogue, peut-être fois, a été très populaire aussi. On a encore une participation record dans la passe de la foule. Excellent. Je pense que c'est toi qui tends ton micro ou réduis ton son de micro de temps. Ouais, ça buzz. Ouais. C'est un rasoir électrique. Philly, Philly, vérifie ton micro, s'il te plaît, parce que ça sonne comme si c'était un rasoir. Ah ouais? Oui. Pourtant, moi, j'entends bien. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Ouais. Non, là, ça repige. Je sais pas pourquoi t'as repogné ça, là. Non, c'est un feedback. C'est un certain qui parle pas ou qui fait pas son bruit. Ça va le faire. T'es-tu Wally? Ça va aider. T'es-tu Wally chez vous? Attends une seconde. C'est moi, Wally. Bon. Ouais, comme je le disais, c'est ça, les invités ont vraiment bien poigné. J'ai eu mes escortes photo de le week-end. Je sais pas, vous m'avez vu durant mon week-end avec des jeunes demoiselles à mes bras. Ouais, j'ai remarqué ça, je me suis dit... J'ai même ça sur vidéo. Il n'y a aucun problème avec ça. Ah, ok. Moi qui voulais te soudoyer. On aide. On aide. Non, tout à fait au courant, c'est que... C'est correct. Écoute, on a-tu vraiment perdu Philly? Quoi? Je pense que... Ok. comment t'as-tu entendu beaucoup de feedback de des participants? Comment ils l'ont apprécié l'événement cette année? Le monde semble avoir aimé, mais là, avoir des commentaires constructifs, c'est bien difficile. J'ai aimé à Jeunimé, ça a été génial, ou généralement, j'ai pas aimé Jeunimé. Fait que là, il faut jouer à la devinette. Souvent, okay. Souvent, quand quelqu'un n'a pas aimé son Jeunimé, quand le monde vient à Jeunimé, puis qu'ils n'ont pas aimé Jeunimé, c'est parce qu'il s'est poussé quelque chose avec leur ami, généralement. Ok. Puis également, je voulais savoir, Luc, l'appréciation de joueurs du Grenier, vu que tu as passé un peu plus de temps qu'avec eux. Ah non, regardez, je vais revenir au Québec n'importe quand. Ah oui? Non. Pas de problème. Je veux pas trop vous en parler parce que je suis retombé sur ma chaise, là. Mais vous donner une idée quand on est rentré. Ils voulaient que je change de chambre parce qu'ils trouvaient que la chambre était trop luxueuse. Mon Dieu. Ouais, quand j'ai expliqué que tous mes invités avaient le même genre de chambre, ça l'a calmé un peu. Ok. Puis, écoute, également, on voudrait savoir, t'as-tu trouvé, toi, y a-tu des choses à changer pour cette année? Que t'aurais voulu changer? Quelques petits problèmes d'organisation, mais rien vraiment de très grave, là. C'est des affaires qui étaient hors de mon contrôle. Le parking qui lâche le dimanche. Ok. Puis. Ok. Fait que tu nous as lâché une petite nouvelle en plus en fin de semaine. Tu nous as annoncé déjà un invité pour l'année prochaine. Ben bien sûr, on l'a négocié assez fortement pour l'avoir. Ça fait longtemps qu'on travaille pour l'avoir. John Lang. John Lang? Ouais. Est-ce que t'es. Bon, est-ce que là tu peux nous dire que John Lang vient au Janine 2015? Oui. T'es-tu capable de nous en dire un peu plus? T'es-tu capable de nous dire, est-ce qu'il va avoir par exemple un Alban avec lui? Il n'y aura pas l'Alban. Il n'est pas un petit peu de. Donne-moi la John Lang, tu sais. Non, écoutez, on fait ce qu'on peut avec. Par contre, il va vraiment faire un concert acoustique quand même le vendredi. Ok. Puis, ça va être en lien avec sa série animée également? Pardon? Il va venir également en lien avec la série animée qu'il est en train de préparer. C'est son plan de toute manière, fait qu'il va venir nous en parler. Il va peut-être nous amener du contenu avec tout ça. C'est un peu de bonheur pour savoir qu'est-ce qu'il va faire exactement. Là. Ok. Puis également, est-ce que tu vas réinviter Tester Alpha? Oui, bien sûr. C'est sûr et certain que Tester Alpha, autant qu'il est fait à ma... J'ai tellement trippé en fin de semaine, Beta aussi d'ailleurs. Ouais, je peux compter sur nous autres que l'an prochain. On va réviser notre bio. Ouais. Et là, on va voir Giz qui va être invité l'année prochaine. Ok, cool. En plus. Parce que bon, Giz est moins un médiocre. Vous êtes plus médiocre que Giz. Giz est vraiment plus une chaîne YouTube de contenu créatif. Ouais. Comme Alpha. Donc, tant qu'à le mettre dans le média, parce qu'on l'a fait, on l'a fait mettre dans le média, donc, il est pas mieux que plus. Ouais. C'est plus rare d'Alpha que vous mettez, c'est plus informatif. Bon, ben, c'est super. Merci beaucoup, Luc. Oui. On va te laisser aller. Oh, j'ai des boîtes à faire, je les mélange depuis quelques jours. Ouais, c'est ça, j'en suis au courant en plus. Fait qu'on on te souhaite bonne chance pour ton déménagement. Et... Puis les accros, en tout cas, ils vont être bien intéressés à revenir l'année prochaine parce que de ce que j'entends, oui. La plupart sont tous contents du GNM 2014. Une comparaison de Capitaine, comment on se débrouille. C'était chic comme ça, j'avais été un peu sévère avec toi, Capitaine. Dû au. Tu vois qu'il y avait un manque de contenu, mais est-ce qu'on se débrouille mieux que toi, à votre avis? Moi, en tout cas, j'ai plus apprécié le GNM que le Takuton. Ouais, mais moi aussi, il m'a dit la même chose. J'ai vraiment eu mille fois plus de fun au GNM qu'à le Takuton. Plus intime. Qu'est-ce qui fait qu'on a plus de fun qu'au GNM que le Takuton, à votre avis? Parce que moi, je suis pas officiel là-dedans, mais c'est une affaire que j'essaie de savoir parce que c'est bon. Ça, c'est un bon feedback que j'ai besoin pour. Écoute. Et principalement, moi, ce que je peux dire, c'est que le GNM est beaucoup plus orienté, je te dirais, grand public. On voyait vraiment plus d'enfants, plus de parents qui venaient. Puis, écoute, toutes les activités qu'il y avait, c'était des activités que moi, je pouvais y aller. Tandis que si j'allais à l'Otakuton, je regardais rapidement ce que je voyais comme activité. Il y en a un ou deux qui pouvaient me parler, le restant, je les connaissais pas. Fait que c'est ce que j'ai apprécié, c'est ce que j'ai bien aimé du GNM. J'imagine que c'est pareil pour les autres. Ouais. Moi, écoute, j'ai trippé all the way, là. Ouais. Moi aussi, j'ai trippé. C'est certain qu'il y retourne l'année prochaine. Belle expérience dans l'ensemble. Mm-hmm. Puis, c'est pour nous pour faire de la publicité, parce que... Ben, écoute, puis... En fait, c'est une belle couverture, les gars. On a déjà un petit peu commencé, comme t'as pu voir, là. Oui, non, je vois que j'aurais pas vraiment besoin de vous donner le bras. Non. De toute façon, écoute, juste, on a fait notre... ben, t'as pas pu assister à notre petit podcast qu'on a fait, mais on a vraiment trippé à le faire parce qu'il y a pas personne qui a quitté, puis le monde a participé haut la main au podcast, puis le podcast va être probablement publié en fin de semaine prochaine, mais c'était cool, vraiment, le monde a embarqué dans ce podcast-là, ils ont jasé, se sont exprimés, puis c'était vraiment une belle petite discussion, puis probablement que ça va être quelque chose qu'on va vouloir refaire en plus l'année prochaine. Vous êtes capable de me donner le lien de podcast parce que j'ai pas pu le regarder, je vais me préparer à faire plusieurs choses en même temps. Mm-hmm. Mais je vais te préparer ça, je vais t'envoyer le lien quand ça va être très sur net. Mais on a déjà réservé d'autres invités cosplay qui vont être annoncés plutôt que le site web va avoir lieu. Mais en attendant, faut pas oublier, on a le Chibi Jamie qui va avoir lieu le 27 juillet. Mm. Donc, c'est une journée de festival. Donc, ça se descend de Montréal pour une journée pour 10$. Si vous avez envie de venir le couvrir, on peut faire rentrer avec vous, bien sûr, comme ça fait plaisir. Good, on regarde ça, Luc. Merci beaucoup. Merci. Salut, Jean. Bye. Bye. Salut, man. Fait que, ben, je pense qu'également, on a perdu Philly. Non, je suis là. Ouais. Ah, t'es là, Philly! Il est passé dessus. Mon Dieu, là, je suis content de t'entendre parce que, bon, veux pas, fallait faire parler Luc. Toi, ton côté plus sur le plancher, comment t'as trouvé ça? Ben écoute, moi ce que je peux te dire, c'est que j'ai vu un paquet de monde pendant les deux jours. Il y a eu pas mal de va-et-vient au cours de la fin de semaine. OK. Puis, je dirais que ça a été assez plein. Ça a été peut-être plus plein que les dernières années parce que ce que j'ai entendu, j'ai pas le chiffre exact, mais ce que j'ai entendu, on aurait eu 2200 personnes sur le plancher en fin de semaine. Oui, c'est ce que Luc vient de nous confirmer. Puis je voulais savoir, écoute, je t'ai également fait une promesse que je vais tenir là. Je te remercie personnellement, Philly. C'est un peu grâce à toi si j'ai... écoute, il faut dire quelque chose, les accros. Philly a été présent le samedi quand on est arrivé. Là. C'est comme le premier gars que j'ai rencontré. Puis qu'il m'a rassuré tout de suite parce que, bon, on a eu un petit problème de côté gestion. Mais Philly était là. Il s'est arrangé de tout. Puis ça, mon cher Philly, c'est moi qui te remercie personnellement devant tout le public des accros. Je te remercie de t'avoir pris soin de nous autres. Et au nom des accros. Et au nom des accros. Fait que si tu l'as live, tout le Québec est au courant. Merci, t'as fait une très bonne job. Merci, y a pas de problème. Fait que écoute, je vais te réinviter prochainement. Je vais probablement te trouver un podcast pour t'inviter pour que tu puisses jaser longuement de trucs que tu aimes. Mais merci beaucoup, Philly. Il n'y a pas de trouble. Fait que passe une bonne soirée. Ouais, toi aussi, là. Salut, Philly. Bye. Bye. Bon. Piu, piu, piu, piu. Alors, en gros, Alors, on a, comme vous avez pu entendre, on a pu entendre Luc Biron, qui est le big boss du dieu animé, ainsi que Philly, qui est son fidèle de bras droit, qui nous a vraiment aidé aujourd'hui. C'était vraiment cool. Ben, qui nous a aidé durant toute la fin de semaine. Les deux ont été très, très présents. On les remercie beaucoup. Puis, comme vous avez pu voir en général, on a quand même apprécié le dieu animé. Mais également, on a fait d'autres choses. Est-ce que vous avez eu le temps de faire d'autres choses avant le dieu animé? Avant le J-Anime, j'ai fait ma journée de travail. Là, j'ai fait de la route. Ouais, c'est ça. Ben, récemment, on a fait de la route aussi, quasiment non-stop. Oui, ouais. Une belle petite explication de comment rentrer dans le char qui est le plus drôle. On va juste vous expliquer. C'est qu'on on est allé à Gatineau avec un char loué. Puis, le char loué, c'est une Ford Fiesta. Ford Fiesta, vous savez, c'est pas gros. Puis, le char, il était pacté, OK? Là, la valise, elle débordait proche. Puis, une Ford Fiesta, c'est à peu près pour 4 personnes, gros max. On était 5. Avec Arcade Rétro, moi et Marie-Lune. Fait que voici la méthode de comment rentrer dans une... dans une Ford Fiesta. Alors, on fait asseoir Marie-Lune au milieu. On la laisse s'attacher. Après ça, Arcade Rétro, il s'assoit. Il attache. Il ferme sa porte. Moi, j'arrive. Je laisse la porte ouverte. Je m'attache. Je mets ma main autour de Marie. Et je ferme la porte. Oh mon Dieu. Pour être sûr de faire rentrer. Attends, la dernière étape, c'est après ça, c'est de ne plus bouger. Hein. Pendant et Marie-Lune dit qu'elle était une crête dans le milieu. Oh, pour elle. C'était drôle, c'était juste drôle. On a fait nous, les filles dans le milieu. Pour être évident. Fait que, évidemment, ça a été toute une expérience, mais c'était drôle de monter et de descendre de cette façon-là. Puis je pense que je vais m'en rappeler le restant de ma vie parce que j'ai finalement pu expérimenter une Ford Fiesta de derrière. C'est normal sexuel, ça, comme implication. Et entendre Arcade Rétro commencer à chanter une tune Nowhere sur une tune Nowhere et qui parle de sexe. Non. Je disais. Non, de quoi tu parles? C'est pas notre genre en tout. Non. J'étais juste content que Sylvain soit pas là parce que sinon, ça aurait fait la quintessence. Quoi? Chorale avec Sylvain. Ça aurait été le summon avec Sylvain, là. Ben oui, c'est sûr. Avec un feedback de chanson, là, j'imagine. J'ai eu mon back vocal, man. Mets sur les fesses. Oui, c'était à peu près ça, la chanson. C'était juste ça, hyper drôle. C'était juste ça. Sur tous les thèmes possibles qui jouaient à la radio. Ouais. Bon, fait qu'on embarque tout avec les nouvelles. Ben oui, non? On pourrait faire ça. Avant d'embarquer dans le jeu animé. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles au cours de la dernière semaine, mis à part que j'ai eu froid dans le dos pendant à peu près une demi-journée. Voilà. Et je vous annonce c'était quoi la nouvelle, jusqu'à temps que ça a été contredit. Watch Dogs qui a failli être annulé sur Wii U. Finalement, ce qui s'était passé, c'est que GameStop en Italie, il avait reçu le monde du GameStop en Italie. Il fallait qu'il appelle les clients pour leur dire que leur précommande de Watch Dogs sur Wii U était cancellée. Fait que là, ça commençait à avoir un petit peu d'inquiétude parce que le même problème est arrivé en Amérique. Fait que là, le monde commençait à s'inquiéter. Je dis, coudon, on va-tu avoir notre copie de Watch Dogs sur Wii U? Et finalement, ben, on a eu une confirmation de GameStop que c'était juste un problème informatique. Mais imaginez-vous, mais semble que le jeu était quasiment prêt il y a une couple de mois, là. Là, il l'avait repoussé pour le finir. Imaginez-vous, il semble que le jeu est quasi complet, fait comme, ah, oh, fuck la version Wii U. Tu penses-tu que c'est pour le finir ou c'est pour essayer de timer avec le launch d'une nouvelle console? Je pense que c'est surtout pour le timer parce qu'il sortait dans un mauvais moment. Ouais, c'est ça, parce qu'il était pratiquement prêt, là. Il était pratiquement prêt, mais selon moi, c'est parce qu'il y avait tellement de gros jeux qui sortaient en même temps. T'avais GTA 5, t'avais le nouveau Mario, t'avais une couple de jeux, très très bons jeux qui sortaient dans le temps de Noël. Fait que c'est sûr que ça aurait été une. Pas un suicide, mais ça aurait été proche. Exact. Fait que, non, on va avoir notre copie de Watch Dogs sur Wii U pour moi. En tout cas, je suis bien content. Je l'ai réservé. Nice. Avez-vous entendu parler de la fameuse cassette sur eBay? La cassette? La cassette sur eBay. World Championship. Ouais, avec pas d'étiquette, pas de scrap. 9000 quelque chose. 9000, là? Incroyable. Malade. Non, elle a vraiment fini plus haut, hein? Je suis sur la page en ce moment, là. Ça a monté fucking haut. À combien? 99 000. Ah, c'est ça. Voyons donc. 99 000. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai. Je vous mets le lien dans le chat interne et je vais le mettre également. Hein? Mais c'est-tu une golden? Mais ça se peut pas. Non, c'est pas une golden. C'est une version normale. Et puis l'étiquette est pas lisée. Il y a quasiment rien dessus. Mais voyons, c'est peut-être pourquoi qu'il 99 000? La dernière que j'ai suivie a fini genre à 12 000 puis on capotait puis l'étiquette était encore là. Mais c'est peut-être pas assez à plomb, là. Mais oui. Mais ça a vraiment augmenté d'une traite. Ça a monté d'une shot de 1000 piastres à un moment donné, là. Oh my god. C'est malade. Oh oui. 329 000, man. Je te niaise pas, là. Il y a 6 mois, j'en suivais une, ça a fini à 12 000. Puis déjà, on capotait, là. Mm-hmm. Imagine quasiment 100 000. Ben, voyons donc, man. À 100 piastres de 100 000. Précisément 98 piastres de 100 000. Le gars qui s'achète ça, là, il fait combien dans l'année? Millionnaire. Ça fait comme quoi, 350 milliards, tu sais, pour s'acheter un jeu à 100 000 piastres? Faut vouloir en tabarnouche, là. Sacrifice. Là, il va l'acheter, il va le mettre de côté, puis il va acheter d'autres choses après. Moi, j'aime le fait que c'est marqué dans la description « Authentic Adult Owned ».« Adult Owned ».« Adult Owned ». N'importe quoi. C'est un adulte qui l'a. Yeah! Probablement. On a pris le temps de jouer en fin de semaine en plus parce que Giz a apporté son Nintendo avec le Power Pack qui a permis, il y avait la ROM du World Championship et je suis vraiment pas bon. Non plus. Laurent m'a snobé. J'ai défié à Tetris puis il a jamais répondu. Oh! Est-ce que ça va être la revanche l'année prochaine? Peut-être pas. On verra ça l'an prochain. Vraiment qu'on va essayer de faire de quoi de cool là, un moment donné. Ça serait le fun de faire comme on plug une télé à quelque part là, pendant une convention qu'on va là, puis on se fait le Nintendo World Championship. On avait déjà fait quelque chose de similaire, fait que c'est donc tu peux dire que c'est encore dans l'air. Puis, mm-hmm. Ça pourrait être intéressant. Peut-être te réaliser, qui sait. On sait jamais. Autre nouvelle. Avez-vous vu la bande-annonce du film Sly Cooper? Non. Non. Avant de parler, mais pas vu. En animation, c'est ça? Oui. Ouais. En animation 3D. C'est ceux qui connaissent pas Sly Cooper, ben c'est une franchise qui est sortie sur au début sur le PlayStation 2. Et ben finalement, il va y avoir un film en animation 3D qui va sortir bientôt. C'est réalisé par Kevin Monroe qui a fait le TMNT, les Tortues Ninja. Mm-hmm. Puis on va voir. La sortie du film est prévue en 2016. Fait que ça risque d'être pas pire. La bande-annonce a l'air intéressante, sérieusement, mais j'ai pas joué à un Sly Cooper encore. Fait que c'est à suivre. Voyez-vous des chiffres sur World of Warcraft? Hein? Oui. Alors. Oui. Alors, World of Warcraft ont sorti des chiffres par rapport à des statistiques de ce qu'ils ont. Alors, en ce moment, ils ont eu plus de 100 millions de joueurs. Ce qui voit, ils veulent dire de comptes de jeu. Donc, en ce moment, dans World of Warcraft, il y a eu 100 millions de comptes de jeu. Je ne sais pas combien de millions de comptes il y avait en Chine. Quand tu dis « il y a eu », tu parles d'un total depuis le début en comptant même ceux qui ont annulé? Plus de 100 millions de comptes. OK. Mais il n'y a pas 100 millions de comptes actifs, là. Ça, non. Ça a été éparpillé sur 244 pays. OK. Le pourcentage entre Alliance et Horde... C'est de 52% pour l'Alliance et 47% pour la Horde. Ah ouais. Il y a 1% de Pandaren qui n'ont pas choisi de bord encore. Bon. Il y a eu 9 millions de guildes créés. Il y a eu 11 millions de Pandaren. 1,3 million de queues de renard. 500 millions de personnages créés. Ce qui équivaut à peu près à 316 millions. Tu sais, mettons 500 millions de personnages créés, là. Si on prendrait la population des États-Unis qui est à 316 millions, le World of Warcraft pourrait populer les États-Unis une fois et demie. Quand même. C'est beaucoup. Il y a combien de gold farmer là-dedans? Je sais pas. C'est ça. Il y a 3900 minutes de musique. Qui équivaut à 44 CD. Ils ont le nombre de mots qui existent dans ce jeu-là là, est équivalent à peu près à 6 millions de mots, ce qui est l'équivalent de 12 fois la trilogie du Seigneur des Anneaux. Avec toutes les quêtes possibles. Là. Oh my god. La monture la plus rare, c'est la Serpent Nuage Céleste Onyx. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom en anglais. Serpent. Je connais plus ou moins. La mascotte la plus répandue, c'est l'écureuil. Et la mascotte la plus rare, c'est la minuscule carpe rouge. C'est un petit poisson rouge. Sinon, à part ça. À chaque jour dans World of Warcraft, il y a 900 000 instances qui sont jouées. 900 000. En joueur en PVE et en PVP, il y a 670 000 champs de bataille. Pétouille. C'est quand même exceptionnel. Et également, je regarde rapidement, j'essaie de trouver les stats les plus intéressantes parce qu'il y en a énormément qui nous ont sorti, mais c'est vraiment cool ce qu'ils nous ont sorti. Garrosh a été vaincu plus de 400 000 fois depuis la dernière mise à jour. Fait que, je trouve ça cool, pareil. Fait que c'est ça, c'est le tour pour ce qui est des nouvelles de World of Warcraft. C'est vraiment cool. Mais on a-tu des chiffres de présentement? Parce qu'il y a quelques mois, WoW était dans la merde avec leur nombre d'abonnés actifs qui dropaient sans cesse. Dernier chiffre que j'avais, je pense que c'était 6,9 millions de joueurs, de comptes. En date de quand? En date, je pense, de novembre. Ils n'ont pas sorti de nouvelles depuis ce temps-là. 6,9, ça aurait augmenté un peu quand même. Peut-être avec la dernière mise à jour de Garrosh, ça a peut-être aidé également. Là. Je suis pas au courant, je dois t'avouer. Fait que, non, c'est ça, c'est les nouvelles pour ce qui est de ce monde-là. Et, également, j'ai fermé ma page rapidement. Je suis totalement désolé. Désolé. Est-ce que tu as des nouvelles de ton côté, Antithèse? Non, pas cette semaine. Pas cette semaine. À part peut-être de dire que... Non, en fait, non. J'ai une nouvelle que j'avais en tête, qui est peut-être sur Braille Default. Ah, mais... Anticipé, ouais, c'était juste pour dire qu'il va sortir le 7 février. Je pense que tout le monde le sait, ça. Ah, ben, j'en ai peut-être trouvé une qui pourrait peut-être intéresser, vu qu'on a vu la gang se lancer dans l'achat d'une cassette de Nintendo. Savez-vous que la cage du Vélociraptor dans Jurassic Park est à vendre? Vélociraptor. Wow. Savez-vous en ce moment, est à combien? Non. Donnez-moi un chiffre de même. 2 millions. Pas trop. 50 000. Non. 60 000. 700 000. Non. 800 000. Ok, là, viens de voir, là. Oh mon Dieu. En ce moment, la cage est évaluée à 100 100 $. Bon, c'est le même gars. C'est le même gars qui va l'acheter, là. Non, c'est ça. Je sais pas. Une cassette, une cage. Il y avait du change, là. Fait qu'il vous reste encore 7 jours si jamais vous voulez bider sur cette cage de Vélociraptor. Je sais pas ce que vous allez utiliser. Vous allez l'utiliser, je suis pas au courant. C'est ton shelter pour le monde nucléaire, là. Au moins, t'as fait. Ben, je sais pas. C'est quand même juste un accessoire, c'est pas un... Shit. Est-ce qu'elle va véritablement... Non. Je sais pas. Tu dis-tu que j'ai le choix entre ça ou une maison? Tu vas prendre ça pour, à la place de la maison. ça me fait penser, récemment, donc ça finit le 25 janvier, je suivais depuis quelque temps, le plateau de Jumanji qui a été utilisé pour le film. Ouais. Le plateau original, là, il est super beau. L'as-tu acheté? Hein? C'est pas acheté. Tu es folle. Il a fini à 60 800 $ quand même. Voyons donc. Ah ouais. C'est, en tout cas, bref, c'est de l'argent, mais oui, c'est de l'argent. C'est de l'argent, effectivement. Mais le pire dans tout ça, c'est... au moins un don ou quelque chose? Non, non, mais le pire dans tout ça, c'est que mettons que tu l'achètes aujourd'hui, tu le revends dans 20 ans, tu vas faire une dose de cash, là. Ouais. Ouais, parce que... un moment donné, là, quand t'as bien de l'argent, puis que d'investir ton argent dans des trucs incertains, c'est quasiment mieux d'acheter des affaires de même qui valent un gros prix fou puis de le revendre plus tard. Puis c'est ça, c'est de même que tu fais ton investissement finalement. Là. Ouais, ben tu penses pas que comme un... Tu sais, t'achètes l'affaire, mettons, à 10$, tu dis « Ok, dans 20 ans, ça va valoir 200 ou 500. » Tu penses pas que le monde, après ça, ne soit pas porté à le vendre puis à dire « Ben, je vais attendre encore un petit peu parce qu'après ça, il va valoir 1000, après ça, 2000, 3000. » Ben, comme oui. C'est pas une garantie. Je suis d'accord. Non, non, mais c'est pas une... Non, effectivement, c'est pas une garantie, surtout qu'il peut arriver plein d'affaires. Mais imagine, là, t'es millionnaire, là. Mm-hmm. Si t'es millionnaire, 60 000, là, hein? Des peanuts, là. Parce que là, il y a comme une wave de rétroïsme, tu sais, dans 20 ans, dans 30 ans. Ben, je sais pas comment ça s'appelle. Ben oui, c'est un fait, oui, c'est un fait. Ans, oh, écoute. Peut-être que ça va comme s'éclipser, mais est-ce que les gens qui sont preneurs, comme maintenant, notre génération... La prochaine, vas-tu être autant preneur puis payer 100 000$ pour une cassette de jeux de Nintendo, tu sais, je sais pas. Non, mais ça, je suis d'accord, mais dans le cas de trucs comme le plateau de Jumanji ou la cage de Vélociraptor, ça, c'est des trucs pas mal plus gros qui ont pas rapport avec le rétro, tu sais, mais effectivement, le rétro, qu'est-ce que ça va être dans l'avenir? Ça va-tu continuer à prendre des prix ou si ça va dropper? Je le sais pas, faut voir. En ce moment, écoute, dans le marché même dans le marché du rétro, on voit vraiment qu'il y a une explosion des prix. J'en ai parlé un petit peu également dans le forum, puis je disais, écoute, une cassette que j'ai achetée à l'époque, mettons, je l'ai rachetée 20$, Master, je pourrais quasiment payer 60$, 70$, juste ma cassette de, moi je pense par exemple à ma cassette de Super Metroid, boîte livrée, là, je l'ai payé à l'époque 15$. Je regarde en ce moment. Combien sur eBay? En ce moment, je pense qu'elle peut valoir jusqu'à 100, 110, 120 $. Mais où est-ce que tu l'as acheté, Ben, à l'époque? Sur eBay, à l'époque. OK, sur eBay, ouais. C'est bon. Fait que tu sais, sauf que j'avoue que j'ai été chanceux parce qu'à l'époque, lorsque je l'ai acheté avec un mandat de poste. Je l'ai pas acheté. Le gars, il refusait PayPal. OK. Fait que c'était un risque. Okay, mais le gars était honnête. Le gars était honnête, m'a vraiment envoyé ma cassette au complet, puis je l'ai eu, puis tu sais, genre, j'ai pas eu de problème, là. Heureusement. Mais tant mieux. Je vais juste regarder rapidement combien qu'elle vaut Super Metroid en ce moment, boîte livrée, là. En ce moment, un Buy It Now. Voyez-vous, juste avec le, mettons, là, le livret puis le jeu, il est 60. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est quand même quelque chose. Là, je vois aucune copie encore avec la boîte, là. Version américaine, là, j'avoue. OK, j'en ai une ici, 152$. Ah. Au complet, là. Au complet. La même version que j'ai là. C'est beaucoup. Fait que là, t'es en train de me dire que potentiellement, si toi, demain matin, tu voudrais vendre ton jeu, tu ferais déjà 10 fois le profit. Ouais. Ça me tente. Je le ferais pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait tellement la gaffe de vendre mes jeux jeunes. Tu sais, de faire les échanges pour atteindre des jeux récents. Je me suis rendu compte que j'étais déçu parce qu'il y avait des jeux que j'avais envie de rejouer une fois dans ma vie. Puis j'ai fait comme... mais j'ai vendu! Fuck! Je l'ai vendu. Fait que tu sais, il y a des jeux que je me mords encore les doigts là, pour l'avoir. Tu sais, de l'avoir vendu. Là. Fait que depuis ce temps-là, j'ai plus jamais... Ça doit faire 4 ans que j'ai pas vendu un jeu. Puis la seule fois que j'ai fait une exception, c'est lorsque je suis allé avec Jug au Future Shop. Puis c'était un jeu de marque que j'ai changé. Là, c'est ça, là, regarde. Fait que tu sais... Ça vaut la peine. Oui, à part pour prendre un autre jeu de marque, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est une autre histoire. Fait que tu sais, c'était comme, c'est pas grave là, tu sais, c'est pour la seule fois que je l'ai fait. La seule fois que je l'ai fait, c'est un jeu de marde, puis c'est probablement un jeu que je jouerai jamais. Fait que c'est pas plus grave que ça. Parce que tu sais, je connais des collectionneurs qui collectionnent, on disait, c'est une grosse affaire, mais la valeur monte, mais ils vont jamais s'en débarrasser. Le gars est pas capable de se déprendre d'une pièce de sa collection. Fait que la valeur monte, mais ça va être genre sa famille dans 100 ans qui vont vendre ça à, je sais pas, un musée là, ou quelque chose. Mm-hmm. Ben, je sais pas si je vais le donner à un musée, mais je vais probablement, tu sais, garder du stock avec ça, moi. Faites pas ça. Non, mais probablement que, tu sais, je me dis, regarde, à un moment donné, si jamais je joue plus, pas en tout, je reste à leur vente, je sais pas combien ça va me donner, mais on va avoir à peine pareil. Puis j'ai des jeux en ce moment qui sont encore scellés. Ça doit faire un an, deux ans que je les ai pas déballés. Parce que je vais y rejouer, je sais pas, mais je sais qu'en ce moment, il y a même des jeux sur PlayStation 2 qui sont encore scellés, puis t'es revends. Ils valent plus que là, 60$ investi. Tu sais que ça vaut peut-être 80-100$. Fait que c'est ça. Bon, ça fait le tour pour ce qui est des nouvelles cette semaine. Est-ce que vous avez des nouvelles que vous voulez jaser? Non. Non, pas vraiment. Vous faites le tour. Bon, ben, je pense qu'on va jaser notre fin de semaine d'abord. Oui. Alors, en fin de semaine, comme vous le savez avec le titre de l'épisode, on a fait le G-Animé de Gatineau. Les accros ont été tous invités, mis à part Shadow qui n'est pas allé. Alors, nous étions tous ensemble et on va vous donner un petit peu notre avis de pourquoi qu'on l'a fait, pourquoi on a aimé faire le G-Anime. Alors, je vais commencer... avec qui je pourrais commencer? Je vais commencer avec Alpha, parce qu'Alpha était quand même une tête d'affiche. Veux pas? Tu vas pas nous parler un peu de ta fin de semaine? Comment ça s'est passé en tant que tête d'affiche? Écoute, on a été choyés, comme c'est pas possible, là, je t'avoue. On a été très occupés, là. On se faisait tirer à gauche puis à droite, tellement qu'on avait pris une table pour nous, tu sais, pour vendre nos t-shirts, nos trucs, puis rencontrer les fans. Finalement, on a juste été capable d'être là le samedi matin pendant 3 heures. Tout le reste de la convention ou presque, là, on se promenait à gauche puis à droite, on avait 10 000 activités, fait que des trucs, on en a fait en masse, fait qu'on n'a pas eu le temps de s'ennuyer, mais bon, c'est ça, le downside de ça, c'est que on a été très occupés, puis là, on est épuisés, là, avec la semaine de travail qui recommence, ça nous a pas donné de repos, vraiment. Non, ça ne doit pas. Non. Puis l'accueil des fans, c'était comment? Ah, hey, c'est numéro un. Écoute, c'est touchant, là. À chaque fois, tu sais, on n'est pas habitués, là, nous autres, là. On n'est pas habitués, puis on s'attend pas à ce que ça arrive, là. Mm-hmm. Fait que le monde qui vient de nous voir, puis qui sont comme vous, là, je vous aime, j'aime ce que vous faites, tout ça, ben, c'est encore pas naturel, tu sais. Puis, ça fait plaisir à chaque fois, qu'est-ce que tu veux, mais on n'a pas encore le réflexe de tu sais, on prend pas rien pour acquis, là. C'est pas acquis pour nous, ça. C'est encore quelque chose de vraiment extraordinaire de se faire remercier, puis de se faire demander des photos, puis tout ça. C'est vraiment génial. Tu rends des gens heureux, ce qui est sûrement la job la plus difficile. Oui, mais ce que ces gens-là réalisent pas, c'est que c'est eux qui nous rendent heureux, là. Tu sais, je te donne un exemple. Il y avait un moment donné, il m'a quasiment traumatisé. Il y avait un père avec son fils. Yeah, oui. Son fils, il devait avoir 8 ans, OK? Ils sont venus nous voir. Ils étaient contents. Les deux nous suivaient, là. Les deux étaient des fans finis, mais je sais pas, ça m'a touché, là. Il avait vraiment l'air heureux d'être là, puis il nous jasait ça, puis il me racontait qu'il écoute tous nos shows avec son fils, tu sais. C'est niaiseux, mais ça fait vraiment plaisir. Là, je suis sûr que quand le gars il est parti, j'étais à peu près autant heureux d'y avoir parlé que lui était heureux de m'avoir parlé. Fait que finalement, tout le monde était content. Ben oui. C'est une belle attitude. Ben oui. Tu nous racontes-tu qu'est-ce qui t'a fait signer? Ah oui. Il nous a fait... c'était quoi la carte, Ben? Je m'en souviens même pas. Demon's Word. Ouais, Demon's Sword, ouais. Demon's Sword, ouais, c'est ça. Il y avait une cassette Demon's Sword de NES complète en boîte c'est avec livret. C'est vraiment rare, là. C'est rare, ça? C'est rare. Sincèrement, je le connais pas. Attends, OK, je m'en vais voir live, là, sur eBay. 100 000$ sur eBay. Tester, s'il y a un jeu... C'est le gars de la cage. Oh, pas qu'il y a des accros. Demon's Sword. Ah non, c'est pas tant pire, là. Arrêtez, là. La cassette, c'est 5$. Ouais, crème. C'est pas ton goût. Ah, je me suis peut-être mélangé... Ah, excusez-moi. Je pensais que je me suis peut-être mélangé avec... le jeu sur Game Boy, je pense. La version complète, c'est 20$. Là, ouais, ok, c'est mon erreur. Désolé, gars. C'est pas tant freak out, là. Je me suis mélangé avec un jeu Capcom. En tout cas, on y a signé, mais quand il m'a demandé de signer directement sa boîte de carton, mais tu sais, quand j'allais signer, j'ai dit, écoute, je me sens mal, là, je suis en train de profaner une pièce de collection. Tu regardes, c'est pas grave. Il m'a même dit, ça va lui donner de la valeur. Ah, c'est pour lui, puis de la valeur. Juste pour te dire, Alpha, ouais, je me suis trompé avec Demon Crest sur Super NIN qui vaut 200$. Ben oui, wow, c'est pas la même chose, là. Ouais, je sais, je m'excuse à la gang. T'as un Demon Sword complet Factory Sealed, c'est au moins 100$. Ah. Ok, il est pas Factory Sealed. Puis également, qu'est-ce que t'as aimé plus dans ta fin de semaine, Alpha? Eh boy, je te dirais, dimanche matin, de 10h à 11h exactement, pendant une heure, on a joué au Nintendo 64 contre Seb et Fred, du joueur du grenier. Oh wow. Ah boy, c'était magique. Là. C'était comme quand j'avais 8 ans et que je jouais avec mes amis à 4 à Mario Kart. Là. C'était pareil. On trippait, puis c'était cool parce qu'on était à peu près tous du même niveau. Fait que bah, oui, puis Seb est tellement drôle, là. On a eu du fun comme c'est pas possible. Tanuka, de ton côté, comment ça s'est passé ton dieu animé? Ben moi j'ai vraiment adoré ça, mais ce que moi l'affaire, c'est que les conventions, j'en fais pas souvent. Je veux dire, mais cette année, mais à part le Geekfest, c'était en avril, je pense, mais je n'ai pas fait d'autres parce que ça coûte quand même cher. Mm-hmm. Et là, ben, j'étais invitée, vu que je suis la copine d'Alpha, donc je m'a rien écouté. Fait que ça, c'était vraiment agréable. Là. Sinon, ben, qu'est-ce que j'ai apprécié le plus? C'était magique, je veux dire, je pense que parce que peut-être que c'est une convention plus intime, je sais pas, mais il n'y a pas tant de monde que ça. Fait que c'est comme, on recroise toujours le même monde. Ça, ben, quand même, 2200, c'est... C'est beaucoup, mais c'est comparé à, mettons, le 18, le 15 000 que t'as, là, à l'Otakuton, t'as vraiment une différence. Ouais, puis genre, ça se combat pas, là, mettons, au Comic-Con, que c'est comme... Yeah. Non, c'est ça, là. Fait que, non, c'était vraiment cool, puis très intime, puis, je veux dire, tu peux passer à côté de Fred, genre du grenier, mais de même, là, dans un corridor, bonjour, puis très bon, bonjour, c'est comme, ah, c'est bien drôle, tu sais. Tout à fait. Puis, t'es la seule qui est allée cosplayer. Dans toutes les accros, c'est vrai, hein? Je pense pas à ça, j'étais cosplayée en Link, là, mais relax, là, je l'ai pas hors du bouclier puis d'épée, je trouve que c'est trop encombrant, là, mais sinon, ouais, je m'en suis pas rendu compte que j'étais la seule cosplayée, mais en effet, je connais ça. T'as aimé ça, l'expérience en cosplay, c'était vraiment cool? Ben ouais, c'est le fun, parce que, tu sais, il n'y a pas tant de lignes que ça, j'étais surprise, pourtant je trouve que c'est vraiment un personnage populaire d'habitude, là, mais moi j'ai juste eu deux autres lignes, là, par moi, puis je me disais bonjour, mais j'étais surprise de la rareté des lignes. Toutes des filles en passant. Il y avait un gars. Philly, c'est vrai, Philly, lui, il était Link. C'est un Dark Link, lui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Sinon, il y avait une Link en rouge, si je me souviens. Ah oui, je l'avais vu celui-là aussi. Mais il y avait un autre gars en ligne qui perd. Ouais. Ah, ça, je l'avais pas vu. Ouais. Jog, ton côté, comment tu as trouvé ton jeu animé? Moi, je vais être honnête avec vous autres. Au début, je m'attendais à quelque chose de médiocre. Parce que, premièrement, on m'avait tellement parlé de Otakuton comme une merde que je me suis dit, comme ça va être encore une affaire avec des otaku, puis ça va être pas bon, là, puis j'aimerais pas ça, puis ça va être plate, puis je pense que je vais rester bien qu'une demi-journée et me retourner à Québec. Hein. Mais finalement, j'ai super aimé ça. J'ai trouvé que c'était très casuel, surtout pour le grand public. C'était très bien pour ça. Il y avait énormément d'activités intéressantes. J'ai particulièrement aimé la Gaming Room. J'ai pu jouer avec certains des accros à plusieurs jeux là-bas. Pendant au moins une heure, quelque chose, chacun, peut-être. Ouais. J'ai moi aussi eu beaucoup de plaisir dans Gaming Room, là, faut le dire, là. Le vendredi soir, Jog, on est allé jouer à Rampage. Sur Nintendo 64. Ah ouais, c'était cool, là. C'était bien relax. T'es assis au jouer à ça, puis on avait du fun. J'ai aimé le show du Groubaka. Ça, c'est certain, c'était le fun à mort, ça. Puis, Tu l'as-tu écouté au complet? On est pas mal parti après que... J'avais l'air de commenter à la fin, parce que moi et puis Arcade, on voulait gamer, Mais là, il fallait que l'autre, les autres qui étaient à l'autre hôtel, à l'autre bout du monde, fallait qu'ils s'en aillent. Fait que là, j'ai pas pu jouer avec Arcade. Après, menottes, on relaxe. Juste pour vous dire, finalement, que Jock s'est fait planter plusieurs fois par Beta. À Yoshi. Mais il était bon, qu'est-ce que je te dise? Lui, il jouait full sérieux, moi j'étais là... Fait que, j'ai eu bien du fun. Moi, j'allais pas là pour le joueur du grenier, c'est sûr. Mais je comprends les fans qui étaient super intéressés par ça parce qu'ils étaient full friendly, d'après ce que j'ai vu de loin et de proche. Là. Mm-hmm. J'ai particulièrement aimé talonner la plus grosse vedette d'aggro des jeux. Fait que ça, c'était le fun aussi. Faire des vidéos de tout ça, puis tout ça. Puis j'ai, le podcast, ben, crime en gang devant du monde, c'était spécial, là. J'espère qu'on va recommencer ça l'année prochaine, un podcast demain devant tout le monde. Puis... Tu sais, Jug, on en avait fait un au Geek Fest de Montréal. T'étais pas là. Ça avait quand même très bien été. C'était notre première expérience. Mais ce qu'on a fait, là, au G-Anime, c'était insane, là. On dirait que on connaissait tout le monde. Genre, ils sont rentrés, on s'est mis à dire des conneries, ils ont tout de suite embarqué, ils se sont mis à rire avec nous autres. C'était une grosse discussion. Entre chums. Ben ouais. C'est le feeling que j'avais, là. Oh ouais, ça a vraiment été réussi. Là. Bon, ben, on espérait qu'on puisse en faire un encore l'année prochaine ou dans une autre convention quelconque. Là. Ça serait super. Ça. Oui. On va regarder ça, mais probablement, là, je suis en discussion avec d'autres conventions, surtout une à Québec en ce moment. Je te reviens là-dessus. Nice. Antithèse de ton côté. Écoute, je sais pas comment vous avez fait de convention, comme j'avais déjà expliqué, je pense, c'était à Arcade, que avant j'étais un coureur de convention de bande dessinée. J'ai arrêté ça durant mon adolescence et j'ai commencé à plus courir les conventions dès la première fois que j'ai rencontré Ben et Marilyn actuellement. Alors, j'ai quand même pris une habitude à faire des conventions, quand même, c'est juste, ça m'a pas perdu. Le G-Anime a été une expérience assez formidable, pas juste en tant que média, mais également en tant que fan et personne curieuse de la culture otaku. Je te dirais que c'est étonnant, je suis le seul qui n'a pas eu aucun contact. Je suis le seul qui n'a pas eu aucun contact avec le joueur du grenier. Je l'ai dit, parce que je. J'avais trop de choses. Comment? Il n'était pas là. Il n'était pas là avec nous, malheureusement. Non, c'est pas grave, là, regarde, moi, je me suis proposé, là, pour essayer de parler des accros et, en même temps, j'avais la table de guise puis de testeur durant quasiment la part du dimanche. Ça m'a fait plaisir en passant, là, c'est pas le contraire. Fait que, tu sais, c'est aussi rencontrer avec le monde, la possibilité d'avoir les médias. Bon, c'est Kiri, là. Tu me fais pleurer, là! Tu riais, tu pleurais pas, excuse! Bon. Est-ce que t'es ma PL? Tu es encore mon ami? On va s'en parler backstage. Non, oui. Je pense que tu voulais faire un backstage. Ok! Non, sérieusement, fait que, tu sais, j'ai aimé aussi avoir eu l'opportunité de pouvoir être en contact avec le monde, pouvoir parler d'accro avec tout le monde, le podcast, le podcast qui était, pour le dire, quasiment à la dernière minute, pour dire. Quasiment sans espoir. On commence avec la salle qu'on a eue, c'est quand même toute chose considérée phénoménale. La game room était impressionnante. J'en parle dans ma critique du génie. Oh non, j'en parle tout de suite. Dans le game room, t'avais également quelque chose d'extraordinaire que t'as pas dans aucune autre convention. Vous êtes cosplayer, puis que ce soit un accessoire, que ce soit votre costume. Peu importe, il y avait une personne qui était sur place pour réparer vos outils ou votre trou dans votre costume. Il n'y a pas ça nulle part. Puis, comme la femme m'a dit, parce que c'est une femme et je l'ai interviewée, elle m'a dit que il y en a qui sont tellement soucieux, qui veulent tellement mettre des détails sur leur costume qu'ils n'ont pas forcément le temps de le faire. Elle a souvent vu des personnes faire leur costume en ligne. Mais justement, elle est là pour aider ces gens-là. C'est intéressant. Nice. Tanuka, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Oui, c'était tantôt, mais on parlait du show du gros Baka. Puis moi, j'aurais une petite critique à faire, tant positive que négative. En fait, le show du gros Baka, mais je sais pas si les auditeurs le savent, mais c'est comme le show du gros cave. C'est censé être vulgaire et 18 ans et plus. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que c'était pas assez vulgaire à mon goût, sauf la partie de Alpha et Beta. Je veux dire, mais oui, c'était, il y avait des bouts quand même assez grossiers, mais de là, mais tu sais, 18 ans et plus. Ouais, c'est ça. C'était quand même smooth, limite. Là. J'aurais vu ça genre à Canal D le soir. Là. Puis c'était vraiment pas si pire que ça. Puis aussi, il y avait vraiment des bouts vraiment drôles, comme bien sûr le bout d'Alpha et Beta, qui était, je trouve, le clou du spectacle, au début du spectacle. Ouais, non, c'était de la merde, ce show-là. Oui, aussi, chose, machin, je sais plus quoi son nom, mais en tout cas, il était déguisé en Alpha Cusco. Il était vraiment drôle, lui aussi. Jeff Bibo, son nom. Ah, ok, c'est bon. Mais l'affaire, c'est que. La première partie, je sais pas si tout le monde l'a vu, vraiment au début du show, les deux qui avaient leur texte sur le stage, ça vraiment, j'étais quasiment insultée en tant que spectatrice. Je sais pas non plus pourquoi ils étaient là, je peux les insulter si nous écoutent en ce moment mal, mais je comprenais pas, mais dans un show professionnel, pourquoi il y en avait deux qui avaient deux textes en avant sur le stage, puis qui en plus ils se trompaient quand même. C'est sûr. Qu'est-ce que ça fait là? En tout cas, sauf que ça a penché un peu le show. Texte devant toi, dans le sens que. Au lieu de te concentrer sur faire ton jeu, tu te concentres sur où c'est que tu es rendu dans ta ligne. Ouais, c'est ça. C'était comme. Comment tu déconnectes à ce moment-là? Ça a vraiment un peu. Je t'avoue, Arcade, je ne suis pas au courant, par exemple, de savoir si c'était leur propre show à eux autres ou. Je pense que c'était plus des numéros préparés de même. Ok, mais c'est pas quelque chose qu'ils ont déjà fait avant. C'est quoi? C'est le show du gros. C'est pas lui, ça. Il n'a jamais fait ça avant. Là. C'est pas quelqu'un en particulier, ça. Alpha, tu peux-tu nous renseigner là-dessus? C'est quoi la question? Je suis pas tout sûr d'avoir saisi. Là. Ben, Baka, c'est-tu quelqu'un? C'est un personnage? Ça veut dire gros cœur en japonais. Baka, ça veut dire un épais, un imbécile, un idiot Baka, en japonais. Vu, moi, je savais pas. Il n'y en a pas un que c'est son nom ou quelque chose. Là. Je pensais que ça allait être. Non. Baka, c'est idiot en japonais, puis le show du gros Baka, c'est comme le show du gros cave. Bien, merci. Mais en japonais. T'es un Baka aujourd'hui? Je peux dire ça. Ah, il s'en va pas. C'est ça. T'as-tu d'autres choses à rajouter? Non, c'est ça. Je voulais juste vider mon sac sur les deux au début du show. Que je comprenais pas qu'est-ce qu'il faisait là dans un show professionnel. Ok. On va revenir, on va parler quand même des aspects négatifs qu'on aurait pu trouver plus tard. Je vais y aller avec Arcade Retro qui n'a pas eu encore son moment pour discuter. Le meilleur pour la fin. Non, mais je voulais parler parce que c'est ma première expérience. Vous l'avez tous fait plus de fois que moi. Fait que j'ai vraiment regardé ça avec un œil un petit peu extérieur. Je dirais presque comme un enfant qui rentre là pour la première fois. Tu sais, c'est pas dans mes habitudes d'aller là. J'avais pas été encore aussi autre événement, là, même au Comic-Con, des choses comme ça. Fait que je savais pas à quoi le comparer. Pour moi, vous parlez tantôt de Otaku, je sais pas trop quoi. J'avais jamais été là. Fait que je peux pas dire si c'était meilleur ou moins bon. Je peux dire mon expérience. J'ai trouvé ça le fun. Mm-hmm. La grandeur était parfaite pour la quantité de gens qu'il y avait. Fait que c'était ni trop serré, ni trop gros. Mais c'était quand même très proche. C'était des salles. Ça, c'était comme fait sur un L un peu ou un U. Fait qu'il y avait les exposants, il y avait le commerce d'un bar, il y avait toutes les salles de spectacle, de conférence, tout ça. Puis il y avait, j'ai bien aimé aussi la Game Room, justement, avec avec Jug, on s'est amusé à jouer. C'est quoi qu'on jouait ou TurboGrafx? Ouais, on a joué des jeux au random, total, TurboGrafx 16. Là, c'était surprenant d'aller chercher un jeu, le mettre, et on forçait l'autre à jouer, et on faisait exprès de pogner de la merde. Mais il n'y a pas de boîte, fait que le TurboGrafx, c'est juste une petite carte, on dirait SD ou whatever. Fait qu'on c'est juste, on c'est le nom, puis on prenait des guesses, on se dit c'est quoi ce jeu-là, et on a remarqué que 99,9% de la librairie TurboGrafx, c'est des shmups. Fait que. C'est assez surprenant, mais ouais, j'ai trouvé ça le fun. Les costumes, écoute, le monde se prenne pas au sérieux. C'est pas ça que je veux dire. Ils prennent ça à la légère. Fait que j'ai vraiment aimé l'atmosphère. Les gens sont hyper sympathiques, les costumes sont super hot. Ça, c'est le fun. Puis écoute, c'est une atmosphère, je pense, c'est unique. Je sais pas si vous pouvez me répondre à ça. C'est quelque chose qui doit se retrouver un petit peu partout ailleurs. Les gens qui fréquentent ces places-là, c'est toujours resté dans les conventions, effectivement. OK, c'est ça. C'est un trip dans les conventions, de pouvoir monter ton costume, ton œuvre d'art à ce niveau-là. Qui des fois les gens vont jusqu'à investir des entre 20$ et 2000$ dans le fond portrayer leur personnage favori, qu'il soit de jeux vidéo ou d'animé ou de comic. Ouais, tantôt Jug il parlait. Ouais, vas-y. Tantôt Jug il parlait de qu'il avait été à un autre événement, justement, c'est l'Otacon ou quelque chose. Non, je suis pas allé à l'Otacon. Que tu parlais avec l'horaire, que whatever, mais en tout cas, je veux dire, c'est l'horaire de cette place-là, quand j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait comme vendredi, samedi, dimanche, j'ai regardé, puis si on n'était pas là, ben c'était le genre d'activité qui te permet, il y avait assez d'activités pour garnir une journée avec des choses qui m'intéressaient pour aller voir. Des fois, tu y arrives, puis tu y connais rien, puis tu dis, ben écoute, c'est le fun, mais moi, j'irai pas. Mais les activités qu'il y avait, justement, samedi, dimanche, vendredi aussi, je pense que c'était assis pour remplir l'horaire de quelqu'un qui connaît moindrement rien, comme moi. Fait que, c'est une bien belle expérience, j'ai bien aimé ça. Bien belle découverte. Ah, c'est cool, ça. Dans mon cas, j'ai quand même bien apprécié l'événement. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas pu vivre le vendredi parce qu'on est arrivé samedi, mais la manière que c'était fait, c'était bien. Moi, principalement, je me considérais plus comme exposant média, dans le sens que je suis resté à la table plus souvent que les autres. Je suis resté à la table pour surveiller le stock et discuter avec les fans et parler du projet Acro des Jeux. Et j'ai remarqué énormément de beaucoup bons commentaires parce que des gens qui sont venus, que je leur ai présenté ma carte, ils sont venus me jaser directement sur la boîte courriel des accros. Fait que merci beaucoup. Mais également, j'ai pu en profiter un petit peu côté commerçant. J'ai vraiment apprécié. C'est très, j'ai adoré la salle où est-ce qu'il y avait les exposants. On avait beaucoup d'espace pour se promener. On n'était pas entassés, on n'était pas bousculés. Le monde prenait leur temps. J'ai vraiment adoré ça. Puis il y avait quelques boutiques qui étaient intéressantes. Je trouvais cependant qu'il manquait un peu de variété dans les boutiques. Soit que tu avais des magasins, oui, tu as toujours ceux qu'on connaît, Roxy Button qui est là, tu as Blue Griffin qui est là, tu t'attends à avoir certains magasins, mais tu en avais des fois, là, c'était la même chose qu'ils présentaient. Tu avais trois kiosques de manga qui avaient à peu près tout le même stock, tu avais les pluches. Mm-hmm. T'en avais une coupe aussi sur les costumes, Sylph, Furry ou de côté d'animé. Oui, t'en avais. Fait que, tu sais, je trouvais ça plate un peu parce que j'aurais aimé voir un peu plus de variété, mais bon, c'est correct. C'est des choses qui arrivent dans le magasin. Ils ont probablement pris les premiers arrivés, les premiers servis pour les inscriptions. Mais sinon, j'ai quand même apprécié. Et en tant qu'organisation, vu que moi, je trouve que j'ai moins été visiteur et plus commerçant, je peux dire que la communication avec l'équipe est quand même bonne. Oui, il y a des fois des mauvaises mésententes, mais l'équipe s'est vraiment acharnée à vouloir corriger la situation. Puis ça, je remercie beaucoup l'équipe derrière le jeu animé qui m'a beaucoup aidé avec les situations où on n'était pas sûr qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui est arrivé, y a-t-il un changement d'horaire avec quelque chose. Sinon, moi, mon bout à moi préféré, j'ai eu une entrevue d'exclusif avec Alpha et Joueur du Grenier, ensemble, qu'il va être arrivé sur le site dans les prochains jours, là, probablement dans un petit peu plus que deux semaines, le temps que je mixe tout, parce que j'ai quand même une heure de montage à faire. J'ai pas mal de travail à faire, mais vous allez avoir bientôt une entrevue avec Joueur du Grenier, Tester Alpha en même temps. Les deux équipes qui se racontent, puis qui jasent, puis qui échangent leur point de vue, c'est vraiment bien. Puis également, oui, j'ai remarqué que Joueur du Grenier était assez fatigué, ce qui est normal un peu. Veux pas, il y avait quand même 6 heures de décalage horaire, plus le voyage, plus les grosses journées de l'anime, mais il a vraiment pris son temps, puis il était cool, puis il a fait des blagues avec nous autres en plus. Juste dire, probablement ça va être coupé au montage, mais quand à un moment donné, j'ai regardé mes feuilles, puis qu'il a fait « Hey, regarde-moi! » Puis il a me fait dire par le joueur du grenier de me regarder « Ok! » Ça, tu devrais mettre ça comme vidéo à part en tant que. Peut-être des bloopers, une affaire de même. Ouais, probablement, je vais regarder ça. Je serais dû vous faire une vidéo bloopers. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré au jeu animé? Son durant les shows. Le son durant le show? Ben, durant le show du gros Baka, moi, j'avais l'impression qu'il manquait de son. Puis des fois, même durant le sketch d'Alpha, j'avais de la misère à comprendre. Puis j'étais en avant, là. Puis j'avais de la misère à comprendre ce qu'il disait, là. Ça c'est fait à fixer, c'était effectivement les micros qui étaient pas bien plugués avec les mixeurs en arrière, là, mais je suis d'accord avec Jog là-dessus. J'ai remarqué. Il y a ça, puis j'ai l'impression aussi que les salles étaient trop grandes pour l'événement, parce que t'avais plusieurs shows, mettons. Puis, t'avais la moitié de la salle qui servait pour la scène et les chaises, puis t'avais une grosse salle vide. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, ça aurait pu être séparé en deux, puis mettre d'autres choses là-dedans. Mais de ce côté-là, je me dis peut-être que de la manière qu'ils ont organisé ça, peut-être que, justement, il n'y avait pas d'autres exposants ou pas d'autres conférences. Non, je comprends, là. Mais bon. Puis l'autre affaire qui m'a énervé un peu, moi, c'est quand on est allé à la conférence de JDG vendredi, je pense. T'étais là, Alpha? Ouais, en arrivant, Il y avait un gros show de musique à côté, puis on comprenait pas ce que JDG disait. Il y avait ça aussi samedi. C'était au show du gros Baka, justement, où je sais pas trop quoi, il y avait comme un spectacle de carrière. C'est mal, c'est ouais, mais je pense que c'était moins fort que vendredi. OK. Mais moi, je pense que, moi, c'est à propos de la mascarade. Il y a du monde qui disent que c'était une réussite totale. Moi, j'en ai vu une demi-heure. Je trouve que les deux présentatrices, ils parlaient tellement entre deux présentations de costumes. Là, je veux dire, au pire, je viens voir la mascarade pour voir les costumes, pas pour vous entendre dire des niaiseries entre deux costumes. Puis, je sais pas si je suis la seule à avoir vu la mascarade, là. Ben oui, ben, il fallait réserver sa place, je pense, puis il fallait être costumé pour rentrer, ça se peut-tu? Oui. Pour participer à la mascarade, il fallait au moins donner son nom. En tout cas, ben, parce que moi, j'ai participé, j'ai regardé la mascarade de près d'une demi-heure, puis je trouvais que les filles qui parlaient, qui présentaient le show en avant, ils n'arrêtaient pas de parler, puis c'était comme ma tailleule. Finalement, je suis partie parce que je trouvais que c'était trop long entre deux costumes. Tout ça. Ah, ben oui. C'est nerf. D'ailleurs, le show il est fini à peu une heure en retard à cause de ça, ça va. Oh mon Dieu. Ouais, c'était une critique négative de la mascarade. Mais très beau costume, par contre. Ah, j'ai aussi aimé le show de Luduc, ça, c'était pas pire, ça. Ah, c'était écœurant, le Luduc. Le show de Luduc? Son enchère, son enchère. Ben, le lancheur. Ah, j'ai pas pu assister à ça, j'étais pris avec un truc, ben ouais. Moi, je voulais tellement aller niaiser Luduc, là, parce qu'il s'est bidé lui-même, il s'est mis en enchère en lui-même. Moi, je voulais tellement bidé dessus, pis dire, moi, niaiser mon colis. T'avais pas pu. est-ce que t'as été mal pris si t'avais bidé, pis... Que j'aurais fait si j'aurais gagné? Ouais. Ben, probablement, je l'aurais fait travailler à la tête des accros pendant toute la temps qu'il aurait été là. Malheureux, pauvre gars. Ben, non, c'est correct. Il a fait son Batman, là, puis il l'a fait son Batman. Non, je l'ai écœuré son Batman, hein. Je sais pas si le monde m'a vu, là. Moi, j'arrivais toujours avec le Batman. Puis, j'y sortais toujours la chanson Batman, c'est un fif. C'est pas vu ce que j'ai fait à Batluc, hein? Non. J'espère qu'il va le mettre sur YouTube ce que j'ai fait à Batluc. J'espère. Autre chose que vous. Oui. J'étais allé voir l'orchestre des jeux vidéo. Ouais. Ben, c'est pas vraiment rapport avec l'événement en tant que tel. J'ai bien aimé ça. La seule affaire, c'est qu'on dirait qu'il manque dans leur orchestre des voix. Ils n'ont pas de voix. Chorale, non, c'est ça, ils n'ont pas de voix. Fait que tout dépendant dans le choix de leur pièce qu'ils décident d'interpréter, ça va super bien. Mais à un moment donné, j'étais là, puis ils ont fait le thème de Sephiroth, là, avec la bataille à la fin. Mais l'affaire, c'est qu'il manquait la chorale. Fait que quand t'es là, puis qu'il y a comme un vide à ce moment-là, puis tu t'habitues à entendre, tu sais, c'est fait, là. En tout cas, whatever, là, vous connaissez de quoi je parle. Je trouvais qu'il me manquait de mouvement. On dirait que c'était un peu turn-off à ce moment-là. Mais, ou sinon, de tout le reste que j'ai entendu, c'était super bien réussi. C'était vraiment le fun. Mm. En passant, merci à Charuzo qui dit que Luduc a récolté 120$ juste pour lui parce qu'il y a 6 personnes qui se sont cotisées pour l'avoir. 6 demoiselles, qui plus est. Mmh. Alors, pourtant, il est toujours célibataire. on va te trouver une belle femme un jour. Oui, il y a quand même un petit quelque chose qui m'a achalé dans le J'anime. C'est le seul point négatif que j'ai à dire. Sur l'espèce de feuillet avec les horaires. Non. Sur la page, il y avait des grilles horaires à l'intérieur qui étaient les bonnes horaires. Ça, c'était correct. Mais sur la page principale, la première page, celle sur le top, il y avait les invités avec les activités qu'ils faisaient et à quelle heure. Ben, les heures qui étaient là ne correspondaient pas avec la grille horaire. Fait que là, c'était tout mélangeant. Hein? Quand tu voulais savoir, tu sais, moi-même, je voulais savoir c'était quand mes activités, parce qu'il fallait que je le sache. Ben, sur la page principale, ça donnait une heure, puis dans la grille horaire, ça donnait une autre heure. Mmh. Ouais, c'est ça, c'était fatigant. Fait que, imagine quelqu'un qui veut suivre ça, qui veut, ah, par exemple, ah, oh, je vais aller voir JDG jouer contre Alpha à telle affaire. Ben, à quelle heure il suffit, tu sais, c'est bon. C'est le seul point négatif que j'ai à dire. Ok. Est-ce que vous avez d'autres points négatifs de votre côté? Et je trouvais qu'il y avait avantage pour les prochaines fois. De mettre comme une espèce de carte pour être sûr de bien se situer, même si c'est Janim était d'espace relativement petit, ça change pas le fait qu'une carte, c'est toujours bien pour pas non plus perdre, qu'on peut comme, parce qu'on, même si c'était, justement, si on a dit que c'était 2200 personnes, ça parle, ça parle de la cherché les salles. On a cherché les salles. Au début, on a cherché les salles, fait que c'est, fait qu'une carte dans l'horaire aurait été quand même leur avantage, aussi petite que la place peut être. Mm-hmm. Ça va bien une carte pareil, là. Mm-hmm. Sinon, moi, de mon côté, mis à part, peut-être, la seule chose que moi je dirais qui serait peut-être à améliorer, ce serait surtout, j'ai l'impression des fois qu'il manquait de communication entre les membres de l'équipe. Je sais, il y a pas personne qui avait un walkie-talkie ou tu sais quelque chose pour demander rapidement. C'est il y en avait. Les agents de sécurité avaient des walkies. Oui, mais les membres de l'équipe même n'en avaient pas. Les organisateurs n'avaient pas. Ils se parlaient au cellulaire. Exact. C'est la seule chose. Mais moi, c'est parce que quand j'ai eu un problème, ça a pris comme 2 heures avant que j'aie une réponse. Fait que j'aurais peut-être juste aimé qui aurait une meilleure communication, mais sinon, dans l'ensemble, c'était quand même bien pour ce qui est du reste. On a eu des questions dans le chat, on nous demande comment qu'on trouvait le joueur du grenier en personne. Je vais demander à Alpha, parce qu'Alpha a passé plus de temps avec lui que nous autres. Comment tu l'as trouvé? Écoute, il se prend pas pour un autre, là. Ça c'est évident. Là, même, je t'avouerais qu'au début, je craignais qu'il me regarde de haut, tu sais. Ben non, pas en tout, là. Il est vraiment terre à terre. Même chose avec Seb, là. Seb, c'est un bout en train qui arrête pas de niaiser. Faire des... Dans le fond, comme toi pis moi, là, on niaise, on n'arrête pas de dire des conneries à tour de bras. Ben, eux autres, c'est la même affaire. Bon, fait que, non, c'était OK. On peut dire en gros qu'on a tout aimé ça, là. Ouais. Pensez-vous y retourner l'année prochaine? Oui! Si c'est possible, c'est sûr. C'est sûr que oui, si je suis encore en vie et en fonction de mes membres, oui. Il n'y a personne qui rentre dans la chambre. Ah, mais moi, j'ai appris ma leçon. On n'en a pas parlé. J'ai appris ma leçon parce que je ne croyais pas à Alpha quand il me parlait de bêta. Et j'ai dit, bon, ça doit pas être si pire que ça. Finalement, c'est la pire chose que j'ai jamais entendue de ma vie et supportée de ma vie. Oh. Et donc, l'an prochain, je me prendrai une chambre moi seul et je vais dormir. Ben, dans ta chambre. Hein? J'ai dit, je vais aller dans ta chambre, je ronfle juste un peu. Là, parce que dans l'autre chambre, c'était... Non, mais regarde, il est un petit peu tôt là, pour ben non, faire des projets là, à long terme. Moi, toi, tu le sais. Là, ah. C'est vrai qu'on a joué des schmucks ensemble. Vous êtes rendu là, tu sais. C'est le prochain step. Ouais. En tout cas, pour ce qui est de l'hôtel, je pense probablement que je vais changer d'hôtel cette année. J'ai pas tant trippé sur mon hôtel que j'ai été. T'étais où, toi? Crown Plaza. Ok. Puis, en tout cas, nous autres au Fort Point Sheraton, c'était pas mal chill, là. On était direct linké avec le Palais des Congrès, puis l'hôtel en tant que tel, la chambre, là, était vraiment grande, puis... Ben, nous autres, on avait une belle chambre, mais la seule affaire que j'ai comme pas trippé, c'est lorsque j'étais allé aux toilettes, puis je me suis rendu compte qu'il y avait du poil qui ne m'appartenait pas, qui était sur le bol de toilette. Oh! Okay. J'ai fait, la fille a pas fait sa job. La femme de ménage. Ah, mais il n'avait pas fait... Ah, non, c'est vrai. On n'était pas dans le même hôtel. Non. J'étais avec... Antithèse a trouvé à peu près la même affaire que moi. Ça, du moins, c'est au dire de ma fiancée puis de JP. Mm. Moi, j'ai pas le temps d'avoir ça. C'était mes points. T'étais où, Tanka? C'est la même que toi. C'est un étage plus bas. On s'est aperçu combien de fois, Tanuka? Hein? On s'est aperçu combien de fois, Tanuka? Une fois samedi soir, puis on s'est vu le dimanche, je sais plus. On s'est vu une couple de fois samedi, en tout cas. Non, en tout cas, on s'est croisés, là, c'était drôle. J'étais même pas marqué, j'étais au 10e étage, fait que... Ouais, non, putain. Mm. Non, j'étais vraiment au 6e. Mm. Fait qu'en gros, c'est une excellente convention qu'on peut vous recommander si jamais vous voulez y participer pour l'année 2015. Probablement que les accros vont s'arranger pour y retourner. Je crois que Luc Biron a adoré la présence des accros. Fait que on va s'arranger pour revenir l'année prochaine et il m'a personnellement dit qu'il avait apprécié notre présence puis qu'il espérait beaucoup qu'on ait aimé l'expérience. Mais ça, samedi soir ou dimanche, un peu plus. Alors j'espère que vous serez présent en 2015 parce que nous on va probablement y retourner et s'amuser également autant qu'on l'a fait, mais cette fois-ci on veut que les accros viennent avec nous. Écoute, John Lang. À part accro là, John Lang. Mm. Assez pour inciter quelqu'un à se déplacer quand même. Ça vous allez dépend... entendre, je veux, ok, mon rêve pour 2015 là, je veux que Alpha chante sur une chanson de John Lang. Oh my god, ce serait épique. Je vais pas chanter, moi, Chris. Tu veux que je ressorte les ballons? Non. au pire, Alpha, je vais demander à ma chanteuse qui t'aide. À ta chanteuse? Tu veux. Fait que, probablement qu'on va y retourner, mais restez à l'écoute parce que pour les prochains podcasts, on va vous avertir quelle convention qu'on va aller faire durant l'année 2015 parce qu'on a une couple de conventions qu'on aimerait peut-être aller voir. Fait que, on restait à l'affût de Accro des Jeux, on va vous dire quelle convention qu'on va aller dans la prochaine année finalement. Je vais commencer avec Antithèse, comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre par e-mail. @yahoo.ca ou gmail.com sur Twitter ou à la même appellation de Anstead en rajoutant coller SAYS qui fait Antithèse 16. Mais la meilleure façon demeure, mesdames et messieurs, sur accrodesjeux.com et surtout sur les forums. Arcade Rétro, comment peut-on rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre sur la page Facebook d'Arcade Rétro, qui est Arcade Rétro. On peut me rejoindre aussi également sur le forum de Accro des Jeux et sur le site aussi d'Accro des Jeux. Tous mes liens y sont et toutes mes vidéos. Jug, comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre sur la page Facebook. On t'appelle juste un gamer, en français. Pas R, mais bien E-U-R. Et puis sur ma page YouTube, et bien sûr, si vous voulez discuter de sujets super intéressants, sur le forum d'accrodesjeux.com. Tanuka Pompoko, comment on peut te rejoindre sur les internets? Moi, on peut me rejoindre sur le Facebook de Tanuka quand ça me tente d'y aller, hein, j'y pense, et aussi sur le forum des accrodesjeux. Tester Alpha, comment on peut te rejoindre sur les internets? Vous pouvez me contacter sur Twitter, sur YouTube, sur ma page Facebook. Vous tapez Tester Alpha et en principe, vous devriez me trouver. Sinon, la meilleure des façons demeure sur le forum des accros des jeux. De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir me contacter. Vous pouvez me contacter via le Facebook des accros des jeux, facebook.com/accrodesjeux. Il y a également le Twitter des accros des jeux, @accrodesjeux. Il y a également le forum des accros des jeux que je passe mon tour quotidiennement, facebook.com/php. PHB, en tout cas. Cliquez sur l'onglet forum sur le site internet, vous allez le retrouver. Et si vous voulez également m'envoyer des courriels à accrodesjeux@gmail.com, ça me fait un énorme plaisir. J'en ai reçu quelques-uns après le Giannis. Merci beaucoup d'avoir... Non, mais des vrais, là. Cette fois-ci, c'est des vrais que j'ai reçus. Merci beaucoup. Mais, comme vous savez, je ne vous oublie jamais. J'ai quand même mon courriel un petit peu spécial. Alors ici, j'ai Coucou 03 qui m'envoie un lien et écrit en allemand Estechien Hog Vergenet das ist de Kitsch de Wet. Ah oui, ok, moi ouais, je suis d'accord avec lui. Ah, il t'a dit ça toi aussi? Oh, ouais. Ah oui, il m'a vraiment dit ça. Écoute, merci beaucoup, mais je te comprends pas, j'irai pas sur le lien que tu me dis. Ça me sert à quoi? T'as répondu quoi? Ah, oh, rien. Je le réponds là, là. En direct live. Parce que je suis sûr qu'ils nous écoutent, parce que tout le monde nous écoute sur Accro des Jeux. Ben oui, en Allemagne, c'est la radio populaire là-bas. Là. On est live. Ben oui, effectivement. C'est la radio du matin allemande. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine sur le podcast des Accro des Jeux. Soyez avec nous la semaine prochaine sur Accro des, pour le podcast des Accro. La semaine prochaine, on parle. Donnez-moi un petit temps rapidement, parce que je me souviens plus pas tout de quoi je parle. De la semaine prochaine. Ouais, c'est quoi la Dreamcast? C'est-tu la Dreamcast la semaine prochaine? Non, c'est Konami. Konami, oui, on va parler de Konami. On va parler de cette fameuse compagnie de jeux vidéo. Est-ce qu'elle a bien vécu jusqu'à ce jour-ci et risque-t-elle de devenir un Capcom? Konami. On en discute la semaine prochaine au podcast des Accro des Jeux. C'était le Big Ben. Antithèse. Juste un gamer. Alpha. Tanuka. Arcade Rétro. Pour le podcast des Accro, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Adrien. Je suis la loi. Donnez-moi un instant, je la mets à fermer. Parce que j'ai juste l'onglet pour les photos. Je m'en fous de la photo. Ça go de drogue. Comment je fais pour fermer ça? C'est encore, là. T'as pris nos armes tantôt. Ah, ok, c'est bon. Bye, tout le monde. Je vais faire exprès, je m'en veux.